Chapitre 10, page 77. Exercice 4. 1. Franchement, Marcel est un vrai pignouf. 2. Fabrice a toujours été lunatique. 3. Dans ce genre de situation, il faut être réactif. 4. Cette femme politique est un vrai caméléon. 5. Claire a tendance à tout expliquer à tout le monde. C'est normal, elle est professeure.